T'as l'air sympa, tu fais du rap, on t'aime bien, t'aimes bien. T'es charmant, t'as l'air marrant, on t'aime bien, t'aimes bien. Si t'as eu ton bac, ta mère et moi, on t'aime bien, t'aimes bien. Éteins ta gueule, écoute mon son, tu l'aimes bien. J'apparais dans l'ombre ou derrière. Cousin, tu m'aimes moins, tu m'aimes moins. Arrière petit fils d'une putain, tu m'aimes moins. Et quand ma fille me dit papa, pourquoi t'es triste, tu m'aimes moins. Je lui dis je t'aime plus que tout au monde, je lui dis pas je t'aime bien. Tiens pas l'alcool autant que mon paternel. Explosif et le cocktail. Forcément, je crois que les calmants sont éternels. J'ai pas assez de courage pour me tirer dessus. Pourtant j'ai la rage, cours. Je m'arrêtais ainsi de suite. Depuis que le triple 6 me suit. Je t'ai dit de te méfier. Du coup t'es blindé de rancune. T'es fait baiser. Allez vous faire péter, vous et vos plans cul. Je vais pas te parler de musique si tu débutes. Ou si t'es novice, serait comme parler d'amour avec une pute. Laisse tomber bébé, je suis en batte. Tu me manques trop. J'écris. Mais putain, plus j'écris et plus je crie. Sauvetage au moment crucial. Décomposé, mets-moi des balles dans le je vais te recomposer la marche nuptiale. Ce que je dis est personnel, griffe-moi. Je suis un grand plan lent et mon pif, le reste est proportionnel. Je vois que le mot venait même plein. Un jour mon père m'a dit fils, t'as eu ton bac, ta mère et moi on t'aime bien. T'as l'air sympa, tu fais du rap, on t'aime bien, t'aime bien. T'es charmant, t'as l'air marrant, on t'aime bien, t'aime bien. Si t'as eu ton bac, ta mère et moi on t'aime bien, t'aime bien. Éteins ta gueule, écoute mon son, tu l'aimes bien. J'apparais dans l'ombre ou derrière. Cousin, tu m'aimes moi, tu m'aimes moi. Arrière petit fils d'une putain, tu m'aimes moi. Et quand ma fille me dit papa, pourquoi t'es triste, tu m'aimes moi. Je lui dis je t'aime plus que tout au monde, je lui dis pas je t'aime bien. Mon cœur est en béton mais hard, du venin dans la salive. Prêt à béton car je préfère être parano que naïf. La vie me dégoûte sans larmes de joie sans goût de secours. Je me sens pas bien putain, dans la bouche j'ai un goût de sang. Enculé viens pas empiéter sur mon terrain. Si j'en enterre un les autres finiront six pieds sous terre. Poufias, allez vous faire sauter dans les trômes et les bureaux s'en est trop. Mais je peux pas les killer sans me prendre les derrière les barreaux. Les coups de pute je les encaisse, j'ai pas le choix. Ouais je sais comme tout le monde, ouais je saigne chaque soir. Je vis pour ma femme, mon frère, mon gosse. Pendant que les grosses pédales de vapeur écrivent leur rime au gloss. Je les connais ces biatchs, c'est con, je les capte en 10 secondes. Tu veux tchatcher ma meuf, toi, quoi? Tu veux qu'elle te dise non? Je suis un fêtard, moi, je vais me coucher tard, cous. Et si le matin, chimou, c'est tard, c'est que je suis trop gaise, que tu vois les taf. T'as l'air sympa, tu fais du rap, on t'aime bien, t'aimes bien. T'es charmant, t'as l'air marrant, on t'aime bien, t'aimes bien. Si t'as eu ton bac, ta mère et moi, on t'aime bien, t'aimes bien. Éteins ta gueule, écoute mon son, tu l'aimes bien. J'apparais dans l'ombre ou derrière. Cousin, tu m'aimes moi, tu m'aimes moi. Arrière petit fils d'une putain, tu m'aimes moi. Et quand ma fille me dit papa, pourquoi t'es triste, tu m'aimes moi. Je lui dis je t'aime plus que tout au monde, je lui dis pas je t'aime. Je te souhaite la bienvenue dans ce monde, où je suis pas trop à l'aise, où on te demande pas qui tu aimes, non. Mais plutôt qui tu baises, où tu verras des gens douter, d'autres sur te outra dégoûter, d'élever tes gosses un week-end sur deux. Tu veux du réconfort, j'ai la qualité sonore, j'ai puis j'ai aussi les mots qu'il faut pour te faire piger que j'ai réussi. Enfin m'échapper de la matrice, putain ça fait mal. Tristesse de merde à te faire oublier ce qui te reste. J'ai souvent été distrait, vu ce qui se crée. Autour de moi je deviens de plus en plus discret. J'ai côtoyé des drôles d'humains, des crevards aux pétasses. Cousin, j'ai ma femme, j'ai mes potes, j'ai la classe. Ok, bienvenue dans ce monde pourri. Pense à côté de ta vie, que les watts me fassent péter les veines. Hémorragie interne, le démon réagit. Un briquet dans une brèche, dynamite dans les mâchoires. Briquet au bord de la mèche. T'as l'air sympa, tu fais du rap, on t'aime bien, t'aimes bien. T'es charmant, t'as l'air marrant, on t'aime bien, t'aimes bien. Si t'as eu ton bac, ta mère et moi, on t'aime bien, t'aimes bien. Éteins ta gueule, écoute mon son, tu j'apparais dans l'ombre ou derrière. Cousin, tu m'aimes moi, tu m'aimes moi. Arrière petit fils d'une putain, tu m'aimes moi. Et quand ma fille me dit papa, pourquoi t'es triste, tu m'aimes moi. Je lui dis je t'aime plus que tout au monde, je lui dis pas je t'aime bien.